J'ai pas envie de pogner la grippe. Hey, hey, hey. J'ai pas envie que ça vire en bronchite. Hey, hey. Toutes mes soirées sont bouquées. Hey, hey, hey. J'ai plein de parties de famille à animer. Hey, hey. Je suis un étranger.